ça se passait autrefois dans un village japonais. Ashitaka est un fier guerrier de tout ce bordel. Il s'est fait attaquer par un sanglier démoniaque. C'est pas Ganon, espèce de Zelda maniaque. Ashitaka doit alors partir de son village avec un bras qui brûle puissant et plein de rage. Il doit trouver le remède de celui qui l'a empoisonné, ce qui va l'amener à une fillette masquée. Oh, oh, oh, oh, oh. Princesse Mononoke. En passant, il découvre qu'une madame fait chier les dieux avec ses flingues, ses sabres et aussi quelques lépreux. Il va aussi rencontrer les esprits gardiens de la forêt et même leur chef qui est un truc moche comme eux. Le métal qui rongeait le corps du cochonou avait changé en démon, le dit animal non idiot. La ville où prénommée Sad sauvera Ashitaka, mais à la manière d'un loup un peu humanisé. Oh, oh, oh, oh, princesse Mononoke. Écoutez bien, Arcabusier, cet étranger nous a sauvé la vie. Il a porté mon camarade sur son dos. Ah, il faut lui dire merci. Ah, ah, bras, faites attention. Ah, ah. Pour se venger, les dieux lancent une guerre sans merci aux humains à leurs fusils qui trouent tous leurs petits. Ashitaka tentera de stopper cette stupide guerre. Y parviendra-t-il? Ça a toujours été un mystère. Toujours est-il que les cochons disparaissent malgré tout. Les humains décapitent le dieu de la forêt, l'espèce de gnou. Mais Ashitaka ramène la tête à les cervelés, ce qui le guérit de son mal passé. Oh, oh, oh, oh. Mononoke Hime. Je suis le prince Ashitaka, je viens d'une contrée aux confins de l'Orient. Seriez-vous les anciens dieux et serais-je arrivé au royaume de l'esprit de la forêt? Silence! Venu silence! Quand je fais mes comptes, je veux rien entendre, vous entendez? Silence! Vous avez pas entendu? Ça recouvre bien du pays des morts. Qu'est-ce que tu dis? Okay.